Troisième avenue. Et évidemment, sur Internet, le site www.ckrl.qc.ca, il y a un onglet PayPal. C'est tout pour moi pour le moment. Je reviens à minuit à l'autoroute en compagnie de Mr. Jacques Dulac. Terra Incognita suit à l'instant. See you later, alligator. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Découvrez la programmation 2015-2016 de CKRL vendredi 4 septembre au Bal du Lézard. Venez rencontrer toute l'équipe du 89.1 dès 17h30 avec l'ambiance musicale de DJ David Rocketship. Et à 20h, assistez au spectacle du groupe Blues Time. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. C'est un rendez-vous. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui. Par téléphone au 418-640-2575, poste 201, au 405 3e avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à la mise en onde et au choix musical. Alors on se partage le choix musical ce soir, Bruno et moi. On a préparé pour vous chacun une heure de musique. Donc on va débuter avec le nouveau Magic Pie. Magic Pie, qui sont leur troisième album. Ça faisait quand même plusieurs années là, qu'il y avait eu un album de Magic Pie. Celui-là est plus, je dirais, un peu plus dans le style hard rock. Surtout pour la première moitié de l'album, puisque l'album A King of Day se termine par une longue pièce, la pièce éponyme. C'est cette pièce-là, c'est probablement la plus prog, si on veut, de l'album. Une très belle pièce, donc, de Magic Pie. On va écouter cette pièce-là, puis on va enchaîner également avec Riverside, tiré de leur premier album, Out of Myself. Riverside sont de la Pologne. Ils seront ici en spectacle à Québec, à l'Impérial, le 19 septembre. Alors, pour souligner ça, on ira cette pièce-là. Ça a joué pas mal quand ça a sorti de Same River. Mais on débute d'abord avec Magic Pie. Thank you. In my oblivion. I remember the daydreaming days. A tree by the lake, such a beautiful place. To wake up and collide with reality's oncoming train. We'd solve all the problems of life and of love. A house with a garden and blue skies above. Wake up and collide with reality's oncoming train. life's nightmare bears any meaning, then there should be a message here for me. I have no intention of becoming slave to my integrity. Let my fate of misfortune beyond dispute take control over me. Oh, I'm just a simple man.

Le groupe Riverside, tiré de leur premier album Out of Myself, la pièce The Same River. Ce groupe de la Pologne qui sera à Québec et à Montréal. À Québec le 19 septembre, à Montréal le 20, pour la première fois. pour nous présenter, entre autres, leur nouvel album. Ils ont 6 albums en carrière, quand même. Alors, c'est un show à ne pas manquer. Parlant de spectacle, il y a également Mystery, un groupe de Montréal, qui va être le 29 octobre à La Chapelle, au Centre d'art La Chapelle. Et il y a Claire Vézina en première partie de ce spectacle. Les autres spectacles à venir, le 13 et 14 novembre au Palais Montcalm, King Crimson, PFM le 21 novembre, mais avant ça, il va y avoir Three Friends le 2 octobre, évidemment. Il y a pas mal de bons shows cet automne dans le prog à Québec, c'est le fun. On avait Riverside et juste avant, on a eu Magic Pie, King for a Day, la pièce titre de cet album, leur plus récent, un groupe de la Norvège. On poursuit avec un groupe de Belarus, The Worm Ouroboros, leur premier album Of Things That Never Were. Ça s'est paru en 2013. Et j'aime ça, il y a plein d'influences de musique internationale dans ça. C'est super bon. Return of the Cold Sea of Nothing, la pièce qu'on écoutera. Et Abel Gans d'ailleurs qui a une entrevue dans le magazine Terra Incognita, le nouveau numéro 42. Et le groupe a changé avec cet album-là, c'est plus acoustique. On aura la pièce Close Your Eyes. On y va tout de suite en musique avec The Worm Ouroboros. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À ne pas manquer cette semaine sur La Fabrique culturelle. Faites une incursion dans l'univers coloré de Guy Robitaille, artiste en art très visuel. Je suis venu au monde avec un don. C'est de m'embarquer dans toutes sortes de maudites affaires qui n'ont pas d'allure, tu sais. C'est l'histoire de ma vie. Et laissez-vous transporter par la magie des concerts phoniques de la forêt Montmorency. Tout le talent d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui. Découvrez la programmation 2015-2016 de CKRL vendredi 4 septembre au Bal du Lézard. Venez rencontrer toute l'équipe du 89.1 dès 17h30 avec l'ambiance musicale de DJ David Rocketship. Et à 20h, assistez au spectacle du groupe Blues Time. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. C'est un rendez-vous. Alors, de retour avec Bruno et Marc, ça a été toute une aventure. On a terminé ça avec Abel Gance. Comme je le disais, là, c'est un album plus acoustique. Cette pièce-là est assez rock par rapport au reste de l'album. Il y a plusieurs membres qui étaient sur Shooting Albatross qui ont quitté. Puis ça a été tout enregistré maintenant par le batteur de la formation. Puis ils sont inspirés de sources plus acoustiques, plus celtiques pour cet album-là. Alors, deuxième heure de Terra Incognita, c'est Bruno qui nous a préparé un show musical. Alors, on débute par The Prog Collective. L'album Epilogue, c'est un paquet d'artistes du rock progressif qui joue sur ça, et on ira avec la pièce Just Another Day. Et ensuite, Prowlers, un groupe italien, tiré de l'album Sogni in una goccia di cristallo. Est-ce que... On se risque pour prononcer le titre de la pièce, Claustrophobicaria, parte uno. Quelque chose comme ça, ça doit être ça, oui. Et Parthenon, ensuite, tiré de Mare Tenebris. Donc, on y va avec ces trois pièces-là d'abord, donc tiré de Prog Collective, pour débuter cette deuxième heure de Terra Incognita. Thank you. Time.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Découvrez la programmation 2015-2016 de CKRL vendredi 4 septembre au Bal du Lézard. Venez rencontrer toute l'équipe du 89.1 dès 17h30 avec l'ambiance musicale de DJ David Rocketship. Et à 20h, assistez au spectacle du groupe Blues Time. Impossible de vous déplacer? Le lancement sera diffusé en direct sur nos ondes. C'est un rendez-vous. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui. Et oui, n'hésitez pas surtout à prendre votre carte de membre pour nous encourager à poursuivre notre émission et nos émissions, en fait, à CKRL. Et puis, écoutez, si je vous invite là, d'ici les 4 prochains jours à prendre votre carte de membre. De toute façon, c'est le début de la saison. On va être de retour à la saison 2015-2016 et ça sera annoncé lors du lancement de la programmation, le 4. Mais si vous prenez votre carte avant le 4, vous avez la chance de gagner des certificats cadeaux d'une valeur de 300 $. Alors, le pre-membership, on vous invite à prendre votre carte de membre. On avait juste en musique, avant de terminer, Parthenon. Parthenon, c'est un groupe du Venezuela. C'est leur seul album, Mare Tenebris, paru en 2005. Et c'était la pièce, puis le titre... est assez pas évident. Conversaciones entre diversas criaturas del inferno. Bon. Alors, c'était bon. Et juste avant, il y avait eu Prowlers et la pièce Claustrophobicaria parte 2. C'était 2, finalement. C'était pas 1. Tel que je l'avais annoncé. Et on s'en va en musique, donc, avec RAK, AK. Ça vient de la Suisse. Et c'est tiré de l'album Lépidoptera 2. Ça sera la pièce The Book of Flight. C'est le titre de l'album aussi, The Book of Flight. Et ça sera suivi de Nexus. Nexus, de leur plus récent album Air. Ils sont de l'Argentine. Ensuite, il y a House de Montréal. Il y a dans ça Michel Saint-Père de Mystery là, qui sont ici avec nous. En spectacle, comme je le disais tantôt, là, le 29 octobre, à la Chapelle. Donc, House, c'est tiré de leur plus récent album. Ils vont en avoir un bientôt qui va sortir. Ben, pas bientôt, mais en fait, ils travaillent. Il y a beaucoup de nouvelles pièces enregistrées. Despite Guardian Angels. Et alors, on n'est pas tout de suite en musique avec ça. RAK, Nexus et House. We'll be right back. like fiery bone. If a devil can crawl from the wreckage you knew, if the cards have been dealt and the wax starts to melt and the helter and skelter is summoning you, and the helter and skelter is summoning you, and the helter and skelter is summoning you, and the helter and skelter is summoning you. Stop dragging the sky down, and the helter and skelter is summoning you, and the skelter and helter is troubling you, and the helter and prophets and your priests. Watch them bound for this beast. Bring your treasures and your trash. Bring your plastic and your precious cash. Bring your morals and your thoughts. Sacrifice them to this war. And the moon and the stars have been a thought tonight. Oh, tonight. And the song in your heart is gonna get you locked up. Get you locked up tight. And the dangers you brave, and the price of the offering, price of the offering. And the world that you save, and the place you earned your space, you earned your Just let go.